la peu frais, j'enfume le GT comme Kofi Armada. J'écoute tout tout long barotte comme Terra. Pas grand chose à fêter, silencieux comme des chats. J'crois que ta pétasse fait son Chanel. De 0 à 100 gros, c'est jamais. Intérieur pure couleur béchamel. Direct, on va le faire crier sur 200 mètres. Cache bien la drogue, cache bien la drogue. Ouais, j'suis trop troca, liquide en gova. La vie date du trompe, on va gérer la compte. T'as capté les bombes, t'as capté des contacts. T'as quitté t'es con, boy, barbe la Dubaï. Ouais, ça sent les bombes, c'est de la fesse qu'on voit. Bah ouais, qu'on bombarde. Belle et qu'on arrive comme Rossi. T'as bleu, t'as pas de quoi l'arroser. Façon, font pas comme ça les grossistes. T'as roue du showcase, ça négocie. T'as pas préparé, c'est fossile. Mon ami Belle et gros, t'es concis. T'as foiré la lotte dans le fossé. Ouais, blep, les bateaux sont levés le cross. Et viens les directement si les mots tardaient. Boule, avant, ouais, j'étais jeune et con. Maintenant, je veux que des sous parce que ça m'a l'air d'être cool. C'est en direct qu'on fait le boulot. Tu sais, c'est qui, nous, c'était IM. Même à minuit, je suis dans le ghetto. On va sonner comme des hyènes. Belle avec aux ADN, en pointe comme des aliens. J'fais du rap que ton ami aime. Le jeu de l'époque aérienne. Bah ouais, j'suis dangereux. J'coupe l'instru, j'ai le temps de gérer. Du pilon pour te rendre heureux. Ou de la peau de Los Angeles. 77 départements en vigilance orange, et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait chaud, trop chaud même. Et on a dépassé le seuil de canicule sur l'ensemble du territoire, c'est l'année record. Si je devais résumer la situation en un mot, eh bien je dirais que c'est l'année caliente. Boulot, pas le temps de faire à Miami, je dois dégainer le bolide optionné dans la ville. Couillon, tu m'as voulu la bise, suceuse, tout le monde t'a donné son avis. C'est toujours précis quand on kill, c'est toujours moins de quand on pile. C'est toujours discret quand on deal, c'est toujours de deux quand on file. Appelle les pimpons, je crois que ça va brûler. Caliente rime avec trappe d'enculé. On argue les dindons sur un stand remonté. Je connais la ville par cœur, je l'ai réduit en purée. Alors c'est comment, combien vont durer? Dans le trafic, combien ont dû endurer? T'as vu comment je kick un moteur, on dirait. Un moteur en direct. Rayon accélère, la tête sur la pritette. Ta copine elle mouille, elle est même pas en cuvette. J't'apprends le rap mec on dirait. Grosse dose on va se mettre en fumette. J'suis au fond du couloir. Faut vouloir la victoire. Dans la teboie c'est tout noir.